Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Mosaïque, aujourd'hui, c'est pour parler d'un concept qui se fait souvent entendre sur les lèvres des hommes et femmes politiques burundais, à savoir la démocratie. 23 ans après, nous disons précisément depuis l'année 1993, quel est l'état des lieux de la démocratie au Burundi ? Plusieurs interrogations se posent à ce sujet précis. Ce sont notamment celles liées aux libertés politiques, liberté d'opinion, le droit des leaders des partis politiques de rencontrer leurs militants sur le territoire national et bien d'autres questions encore. Mais pour tout, quelles seraient les lacunes et les voies de solution pour mieux jouir de la démocratie sur le sol burundais ? Pour tenter des réponses à ces questions, trois invités sont avec nous sur le plateau. Terence Nahiraja, c'est l'assistant du ministre burundais de l'Intérieur et de la Formation Patriotique. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Terence, bonjour chers auditeurs. Il y a également le porte-parole du parti UPRONA, Poncien Ndayishimiye. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Et puis nous sommes avec Léon Sengendakumana, c'est le vice-président du parti Frodebu. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous avions aimé être avec le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, mais il a été empêché à la dernière minute. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi, Evariste Nzikobanyanga est à la réalisation et à la présentation. Vous retrouvez Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Mosaïque. Permettez que je pose la première question à vous, Terence Nahiraja. Vous êtes l'assistant du ministre de l'Intérieur. La démocratie au Burundi est vieille de 23 ans, si du moins on se réfère à l'avènement du multipartisme en 1993. Comment se porte-t-elle aujourd'hui de façon générale? Merci beaucoup. Moi je pourrais dire que, en tout cas, la démocratie a eu des racines dans notre pays, quoique progressivement elle a connu certaines entraves. Les difficultés n'ont pas manqué à un moment donné, parce qu'il est remarquable, même jusqu'aujourd'hui, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris ce que c'est la démocratie. Toutefois. Ces Burundais qui n'ont pas encore compris. C'est un autre débat. Je voudrais d'abord terminer ma phrase. D'accord. La démocratie est là, mais, je le répète, il y a quelques individus qui n'ont pas encore compris la démocratie. Exemple, l'année passée, le 13 mai 2015, il y a eu un push manqué. Est-ce que vraiment, à l'heure où nous sommes, aurait-on pensé à un tel comportement chez les Burundais? Voilà. Alors qu'il y avait déjà 22 ans qu'on a la démocratie. C'est un exemple juste pour la petite question que vous me posez. Oui. Alors, je disais que la démocratie au Burundi, elle est là. En témoigne que jusqu'aujourd'hui, la population a le droit de voter ses représentants. Il y a la politique de la bonne gouvernance, les droits de l'homme et beaucoup d'autres. Mais comme je l'ai dit toutefois, il y a justement des entraves qui essaient de perturber notre démocratie. Juste une réaction du vice-président du parti Sawanya Frodebu en tant que parti qui s'est déclaré en premier, je pense, pour l'avènement du multipartisme et de la démocratie au Burundi. Le premier président qui a été démocratiquement élu était du Frodebu, à savoir Melchior Ndadaye. Léon Sengendakumana, votre réaction? Je ne sais pas si c'est le Frodebu qui est initiateur du multipartisme et de la démocratie au Burundi ou c'est le Frodebu, je ne sais pas. Non. Mais votre réaction en tant que vice-président du Frodebu. Les concepts démocratie et multipartisme ont été évoqués dans l'histoire du Burundi vers les années 60. Vous savez qu'il y a une compétition même lorsque le parti Prona a gagné les élections en faveur de l'indépendance du Burundi. Mais c'est resté au niveau théorique. Alors maintenant, pour faire une évaluation de l'état d'avancement du processus de démocratisation au Burundi, il faut d'abord noter que le Burundi est un pays qui n'a pas de tradition démocratique. Parce que le Burundi a été géré, a été gouverné pendant plus de 30 ans par un pouvoir militaire où il y avait un parti unique, un parti État, si vous voulez. Il y avait confusion entre l'État et le parti. Alors, les Burundais, à un certain moment, ont décidé d'entrer, encore une fois, en démocratie vers les années 90. Ils ont élaboré et faire adopter une constitution qui consacre le multipartisme, une démocratie multipartite, si vous voulez, basée sur la compétition loyale. Alors, comme le Burundi n'avait pas de tradition démocratique, comme on n'a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir préparer les esprits, changer les mentalités, comme le disait l'assistant du ministre, la démocratie a connu des problèmes, connaît toujours des problèmes. En fait, la démocratie, c'est quoi ? Par définition, on dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est comme ça qu'on dit. C'est la définition universelle de la démocratie. Mais est-ce que c'est ça ? C'est ça réellement ? Est-ce que vraiment le peuple a cette place-là aujourd'hui ? Je ne crois pas. Deux, quels sont les indicateurs de la démocratie au niveau politique ? Au niveau politique, d'abord, c'est la question de la paix et de la sécurité pour tous. Et c'est un rapport avec l'organisation des corps de défense et de sécurité, entendez par là au Burundi l'armée, la police et le service national de renseignement. Ça, c'est le premier indicateur. Est-ce que les Burundais vivent en paix et en sécurité aujourd'hui ? Il y a la paix et la sécurité pour tous les Burundais. Deux, la démocratie se traduit par une compétition entre les partis politiques en termes de programmes politiques, économiques et sociaux. Alors, la population, le peuple qui est divisé en plusieurs catégories est appelé à faire un choix sur base de ces programmes. Alors là, on parle beaucoup des droits fondamentaux de la personne humaine. Est-ce que les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques sont une réalité dans ce pays aujourd'hui pour parler qu'il y a franchement la démocratie? Il y a ces partis politiques. Est-ce que les droits fondamentaux, vous voulez dire quoi? Le respect d'abord de la vie des citoyens, ça c'est le premier droit fondamental inaliénable, le droit d'expression, de s'exprimer librement sans contrainte, le droit de se promener sur l'ensemble du territoire, même se déplacer au-delà des frontières du pays. Il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de libertés. Oh, en termes de droits, on parle souvent des droits politiques et civils, mais il y a des droits économiques aussi. Il y a des droits sociaux aussi. Les gens n'en parlent pas, mais quand on parle des droits fondamentaux ici, on entend des assassinats, on entend les exclusions en politique, mais on oublie qu'il y a des droits économiques et sociaux aussi. Une grande gamme. Alors, comme on n'est pas venu ici pour développer tout cela, peut-être on aura une occasion de développer point par point le moment venu. Ce n'est pas aujourd'hui. D'accord. Et puis, c'est la justice pour tous. C'est l'organisation de la justice, l'indépendance de la magistrature. Est-ce que la magistrature burundaise est aujourd'hui une magistrature indépendante? Il y a la question de l'unité. Il y a la question de l'unité et de la cohésion des Burundais. Est-ce qu'il y a une unité, une cohésion au sein du peuple burundais à travers ses composantes, ses différentes composantes? La démocratie, c'est aussi le développement intégré. Ça veut dire où il n'y a pas des régions qui sont exclues, où on observe un développement qui n'est pas orienté vers une région parce que telle ou telle autre autorité est ici de cette région. Mais enfin, l'organisation du système éducatif. À travers la démocratie, il faut comprendre comment est conçu le système éducatif dans un pays. Ce qui se passe maintenant au niveau de l'école fondamentale, est-ce que ça va dans le sens de former des citoyens qui répondent aux valeurs démocratiques? Et enfin, au niveau culturel aussi. Il y a beaucoup de valeurs, des indicateurs de la démocratie qu'on rencontre dans tout cela. Alors, 30 ans après, 23 ans. Plutôt, nous constatons finalement qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès. On n'a pas fait beaucoup de progrès parce qu'il y a une insécurité à gauche, à droite dans le pays, des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, et on observe des réfugiés, des mouvements, des populations. L'assistant du ministre de l'Intérieur est en train de noter ces points que vous êtes en train d'évoquer, mais... Parmi les véritables indicateurs de la démocratie que les gens voient aujourd'hui, c'est l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Je l'ai dit, je le répète, les partis politiques dans ce pays aujourd'hui existent de nom. Nous sommes dans une dictature militaire comme on l'était à l'époque de l'Iprona. Et pour preuve... Vous voulez dire qu'on n'a pas encore avancé? On n'est pas très avancé. Les partis existent au niveau de nom. Il y a la société civile aussi. Quand on parle des piliers de la démocratie, il y a l'organisation de la société civile. Aujourd'hui, on voit quel a été le sort de la société civile, les médias. Vous êtes en train de nous donner la parole, mais il y a d'autres médias qui ont été fermés, qui ont été même détruits, incendiés. Ça, ce sont des indicateurs de la démocratie, des piliers de la démocratie, de la paix et de la sécurité qui conduisent à la démocratie, c'est l'accord d'Arusha, c'est la constitution. Ces deux instruments ont des problèmes aujourd'hui. Donc, en résumé, la démocratie est en panne aujourd'hui. Vous parlez de beaucoup de choses et à propos des indicateurs de la démocratie au Burundi, et vous évoquez aussi le nom de l'UPRONA. Il y a le représentant de l'UPRONA, le porte-parole et Pancien Ndayishimiye qui est à votre côté et rendons-nous au sein de son parti qui a passé le témoin au tout premier président issu des élections démocratiques, Melchior Ndadaye, en 1993. Peut-on dire, monsieur Pancien Ndayishimiye, aujourd'hui que la démocratie a atteint une maturité? Oui, merci. 23 ans après la venue d'une démocratie multipartite au Burundi, on peut tenter une évaluation de la démocratie dans notre pays. Je dirais que nous vivons une démocratie au Burundi. Une démocratie parce que aujourd'hui, le peuple burundais choisit lui-même ses dirigeants. Les institutions de la République sont mises en place par le peuple lui-même, par la voie des élections, de la colline jusqu'au président de la République. La population, les citoyens choisissent leurs dirigeants. C'est un aspect de la démocratie, un aspect positif. Mais il y a d'autres attributs de la démocratie, tels les droits de l'homme, la bonne gouvernance, une justice indépendante et autres. Si je fais une évaluation, nous sommes en démocratie, nous vivons une démocratie, mais la démocratie, c'est un idéal. C'est un idéal, c'est quelque chose qu'on doit entretenir ou rechercher tous les jours. Mais si je retourne un peu en arrière, le parti UPRONA est fier de la démocratie, de l'état de la gouvernance démocratique dans notre pays. Parce que je dirais que c'est l'UPRONA qui a initié la démocratie à travers la constitution de 1992. D'abord, il y a eu... Il y a Léonce Kendakoumana qui réagit en écrivant quelque chose sur le papier. Mais oui. Mais il a dit la vérité. Allez, continuez. Vous savez qu'avant... Oui, au Burundi, nous avons participé aux élections. Nous sommes dans les institutions de la République. Nous disons que nous vivons une démocratie. Mais comme je l'ai dit, c'est un idéal. C'est quelque chose qu'on doit rechercher tous les jours. Je disais qu'avant le vote de la démocratie qui a instauré le multipartisme au Burundi, il y a eu un débat populaire avant la charte de l'unité nationale. Parce que nous disions qu'une bonne démocratie, c'est celle qui est semée dans l'unité. Et après, il y a eu la constitution qui consacrait le multipartisme. Et après, il y a eu des élections. Mais paradoxalement, comme mon grand frère Léonce l'a dit, le Burundi, les Burundais n'ont pas une tradition démocratique, une culture démocratique. Parce qu'au lendemain de l'élection du président Ndadaye, trois mois après, il a été assassiné. Et la suite, il y a une crise très profonde qui s'est soldée par des négociations d'Arusha. Des négociations d'Arusha qui ont abouti à une constitution en 2005. Et la constitution de 2005, donc c'est l'émanation de l'accord d'Arusha. Et c'est cette constitution qui consacre la démocratie que nous vivons aujourd'hui. Nous aimons dire à l'UPRONA que c'est une démocratie spéciale, une démocratie qui met en place des institutions consensuelles. Spéciale parce que c'est une constitution qui est venue après l'accord d'Arusha, donc l'émanation de l'accord d'Arusha, lequel accord était préoccupé par le retour, la promotion de la paix d'abord, la sécurité pour tous et la justice pour tous. Et donc voilà, 23 ans après, 2005, il y a eu des élections, 2010, il y a eu des élections qui ont été contestées. 2015, il y a eu des élections aussi qui ont été contestées par certains acteurs politiques. Nous vivons une démocratie, mais une démocratie qui connaît des problèmes. Je l'ai dit, c'est toujours amélioré davantage tous les jours. Une démocratie qui connaît des problèmes, monsieur l'assistant du ministre de l'Intérieur. Et il y a le vice-président du parti, Savanya Frodebou, qui évoque beaucoup de points à propos des indicateurs démocratiques, notamment la sécurité pour tous, la compétition, les droits fondamentaux dans le respect des droits de la personne humaine, le déplacement. C'est beaucoup de questions. Ouais. Et il y a Pancien Ndayishimiye qui vient de dire que la culture démocratique n'est pas encore bien ancrée au sein des Burundais. N'est-ce pas une certaine responsabilité de... Merci de me poser la question. Je voudrais d'abord remercier l'honorable Léonce pour avoir passé à revue les indicateurs d'une démocratie, n'est-ce pas? Il a voulu nous faire un petit rappel, oui. Je lui remercie. Et alors, qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, c'est la question principale, n'est-ce pas? Alors, je voudrais aussi remercier le porte-parole du Parti Prona pour avoir parlé de la satisfaction de l'état de la démocratie aujourd'hui, mais quand même qui reconnaît qu'il y a quelques entraves, bien entendu. Eh bien, une démocratie qui a eu des problèmes depuis l'indépendance, effectivement. Ce n'est pas en 1993 que la démocratie est venue. La démocratie avait commencé avec le héros Guacasore, qui est le responsable du parti Prona. Il y avait beaucoup de partis politiques, il y a eu des élections, évidemment. Moi, je suis encore jeune, je n'existais pas encore, mais quand même avec l'histoire, avec ce qu'on apprend à l'école, avec les documents que nous lisons, on nous apprend comment se passait la situation. Souvenez-vous, en 1965, il y avait même les élections, n'est-ce pas, l'honorable Léon, c'était plus âgé que moi. Il ne me suit pas, il le connaît bien. Et vous savez qu'il y a eu des élections, qu'il y a eu beaucoup d'assassinats des élus. Et à partir de là, alors, est venue une république. Laquelle république qui, même si... prenez aussi la démocratie. Je vous fais un exemple ici, un petit passage de l'article et de la constitution avec le colonel Michel Missiombero. Je vous cite, il s'agit d'une constitution intéressante qui a 30 articles, s'il vous plaît. Alors, l'article 1 de ce moment définit ce que c'est le Burundi. On dit, le Burundi est une république unitaire, indivisible, laïque et démocratique. Vous voyez comprendre la démocratie. Son principe est 2 points. Gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Sa devise est unité, travail, progrès. Ça, c'est l'article numéro 1 de la Constitution de 1974. Car le colonel Michel Michombero était le président de la République. Et il était, en même temps, le secrétaire général du parti Prona. C'est écrit à la fin, là où on a posé la signature. Ça, c'est le document original. C'est juste un exemple que je vous donne. En fait, les principes sont toujours listés, ont toujours été prônés, même au niveau de la République, mais malheureusement, si vous comptez le nombre de putsch qui se sont succédés, quand on parle de colonel Michel Michombero après le roi, quand on parle de Bagaza, on sait comment il est venu au pouvoir, quand on parle de Buyoya, on sait comment il est venu au pouvoir, vous en souvenez-vous tous. Mais dans les lois, on mettait là la démocratie, les principes et tout ça. Mais pratiquement, c'était autre. Voilà les problématiques. C'est-à-dire, vous avez fait une bonne loi, mais la mise en application n'est pas du tout correcte, n'est-ce pas? On avance alors en 93. C'était pour vous parler, quand vous avez introduit, vous avez dit qu'une démocratie vieille de 23 ans. C'est pas vieille de 23 ans. C'est vieille de des c'est, années. C'est beaucoup plus. Ça date de, c'est beaucoup plus. Mais seulement, ce sont les entraves, les problèmes qui ont entravé la démocratie, n'est-ce pas? Et si j'avance, alors, avant de répondre, j'ai parlé que Léonce, il est démocrate. Il avait lutté pour la démocratie dans le parti Sawaya Frodebu Nyakuri. Non, je m'excuse. Dans le parti Sawaya Frodebu. Et puis, non, je suis même membre du parti Sawaya Frodebu, mais c'est le nom aujourd'hui. Parce que le parti, c'est une conscience. C'est le Frodebu, c'est une conscience. Mais à un moment donné, j'ai changé pourquoi. Donc c'est l'un de vos membres. J'ai changé pourquoi. À un moment donné, nos leaders qui étaient devant nous, dans les Osinga Dakumana, effectivement, ils ont essayé de lutter, mais à un moment donné, après l'assassinat du chef de l'État et de ses proches collaborateurs, ils ont eu des difficultés jusqu'à relâcher à un moment donné, quand il y a eu la convention de gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Léon Senghedakouman a accusé Buyoya d'être putschiste. Et Buyoya disait, voilà, toi aussi ton mandat, nous sommes à la 28, ça fait 5 ans. Alors, que faire? Léon, mandat terminé, mais dans les difficultés, pas démocratique, avec en passage de quelques présidents qui ont eu des difficultés, qui ont été assassinés, n'est-ce pas? Je n'y reviens pas. Alors, les deux se sont mis ensemble et voilà. Vous vous m'accusez de Philippe Kiste, ok. Je suis d'accord. Et toi, le mandat est terminé, qu'est-ce que faire? Alors, mettons-nous ensemble. Léon s'est résisté, mais avant, à un moment donné, il a dû accepter. Parce que, peut-être il disait, ça vous a poussé à quitter. Moi, je risque de mourir. Alors, à un moment donné, ils se sont entendus de la compassion du gouvernement. Ils ont mis en place un mec qui n'est pas démocratique, qui a dirigé. Mais après tout, malgré les difficultés, tout ça, voilà que comme la population n'a pas digéré cette situation, elle a quitté, en fait, le pays pour aller se faire des rébellions à gauche à droite, n'est-ce pas? Et avec le combat, tout console, les problèmes internes, et voilà les négociations d'Arusha, n'est-ce pas, monsieur l'honorable? Et le résultat, c'est bien entendu l'accord d'Arusha, qui bien entendu par après a fait naître la constitution de la République que nous vivons aujourd'hui, qui dirige le pays. L'accord d'Arusha et la constitution de 2005, c'est aussi donc deux étapes de la démocratie. Effectivement, parce qu'à un moment donné, les Burundis ont vu que donc c'est incontournable la démocratie, n'est-ce pas, honorable? À un moment donné, même, on a fait même des embargos, vous vous en souvenez, quand ils refusaient le dialogue, n'est-ce pas? Et alors, c'est incontournable parce que la démocratie est déjà venue dans le monde entier. Et toutes les personnes qui tenteraient d'empêcher de la démocratie, donc vraiment, il va échouer. Ceux qui ont essayé avec les putsch et tout ça. Et à un moment donné, alors, voilà l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha qui, aujourd'hui, Léon se dit qu'il a été violé. Il y a la constitution qui émane, bien entendu, de l'accord d'Arusha, qui est la loi fondamentale, qui dirige le pays aujourd'hui, mais aussi l'honorable qui dit que même elle a été violée. C'est aussi la démocratie, n'est-ce pas, dans le principe. Alors, dans notre pays surtout, il dit que ça a été violé. Mais il y a eu des conflits entre, justement, les politiciens et le gouvernement de ce moment. Et, en disant que voilà, concernant les mandats du président, il y a eu des problèmes, il y a la justice a fait son travail, chacun a fait son opinion jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que cette question même ne se trouve pas si l'agenda de faciliter le dialogue burundais extérieur, je pense. Du mandat, c'est terminé. Je pense que même sur la table de négociation, cette question de mandat n'existe plus. Donc, dire que il n'y a plus de constitution, l'accord d'Arusha, c'est dire qu'il n'y a plus de gouvernement. Alors que nous sommes dans un gouvernement, comme l'a dit notre ami Doliprona, qu'il y a aujourd'hui des institutions qui sont élues par la population. Il y a la démocratie, en fait. Alors, je voudrais avancer un peu ici à ce qu'a dit Léon, c'est quelques éléments. Il y a parlé des assassinats extrajudiciaires, il y a parlé des partis politiques qui existent dans nos, et c'est peut-être son parti politique. Nous avons beaucoup de partis politiques qui existent. Et les autres. Est-ce que le porte-parole de l'Iprona pourrait dire que l'Iprona existe ou non? Je pense non. Il y a même d'autres. Mais Léo, c'est lui. Peut-être qu'il se parle de ça, de vous, qui existe aujourd'hui ou non. Donc vous avez été membre à un certain moment. Nous c'est nous tous sauf Léo, ce qu'il a nié dans l'émission. Parce qu'il n'était pas au Burundi, bien sûr, il existait. Mais c'était ici, lui aussi. Hein. Je pense qu'il serait membre à ce moment. Bien sûr, parce qu'on était obligé, c'était le parti État. Et ici, à la constitution, à la fin, on s'est écrit Colonel Michel Nchombero, président de la République et secrétaire général du parti Prona. C'est écrit. J'ai eu le document, j'ai été très intéressé. En fait à entendre ce qu'a dit Léon Senghenda Kumana, oui. Il aurait constaté que au-delà des élections par le peuple, il n'apprécie pas la suite. Quand il parle de sécurité pour tous, de la compétition. Évidemment, il n'y a pas de démocratie. De justice pour tous. Il a dit dictature militaire, n'est-ce pas? Il a dit médias détruits et autres. Mais Léonce, si on compare la période actuelle que nous vivons et la période de 96 à 93 à 98, honorable Léonce, est-ce que vraiment c'est comparable quand vous êtes le président de l'Assemblée? C'était difficile. Je pense qu'il y a des étapes, il y a des avancées, n'est-ce pas? Nous sommes dans un gouvernement qui est élu. Est-ce que le président nous a été limité vraiment? Mais il y a des institutions qui sont liées par la population. Il y a le cadre légal, la constitution qui est là, qui définit bien comment mettre en place les institutions. Quand il parle de la liberté, il y a la loi sur les libertés publiques, et là, elle est exécutée. Il y a la loi sur les partis politiques avec tous les articles. Il y a aussi la loi portant, je crois, statut de l'opposition extra-parlementaire. Il nous connaît très bien, et même beaucoup d'autres. En tout cas, vraiment, je pense que dire qu'il n'y a pas de démocratie aujourd'hui, mais comme je le dis toujours, il y a toujours quelques personnes qui n'ont pas encore combattu la démocratie, et ça date de longtemps, en témoigne le putsch de l'année passée. Et puis, je voudrais juste pour terminer, il a dit que la démocratie au Burundi est en panne. Je pense non. Elle est là, quoi qu'il y ait quelques éléments qui veulent détruire, j'ai dit que c'est incontournable. Et je pense que, on dit en Kirundi, Ngomo si Harota. Et Joe, la période qu'ils ont traversée avec notre Fondou, c'était malheureux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la plupart d'entre nous ont quitté le parti pour prendre d'autres mesures et d'autres décisions afin de pouvoir lutter pour la démocratie. Voilà. Une démocratie en panne, c'est ce qu'a évoqué Léon Senghenda Kumana. Je ne sais pas si au sein du parti Uprona, Pension d'Aïchimie, vous avez. Qui connaît des difficultés. Mais pas en panne. Mais pas en panne. Ce qui est en panne, ça veut dire qu'on peut corriger. Non, quand on est en panne, panne, on n'avance pas. Il y a ce qu'on appelle même la panne bête ou panne autre, dans les pays qui le montrent quand même. Il y a une question qui pourrait se poser ici au niveau de la démocratie. À quelle étape on en arrive aujourd'hui au Burundi? Faisons du moins le tour de table pour dire à quelle étape où on est ici au Burundi pour la démocratie. Commençons par vous, Léon Sengendakoumana. Je dois d'abord peut-être clarifier mon idée. Je n'ai pas dit que la démocratie n'existait pas au Burundi. Sur le plan théorique et sur le plan légal, la démocratie existe. Sur le plan théorique, aujourd'hui, même le parti Iprona, qui a été le premier à contester, malgré tout. Contester quoi ? Les institutions démocratiquement élues en 1993... reconnaît aujourd'hui les valeurs, certaines valeurs démocratiques, notamment que le peuple a le droit de choisir ses dirigeants, ses représentants ou ses mandataires. Au suffrage universel, hein, bon, direct ou indirect, tout ça ce sont des élections, mais à nommer une voix. L'Iprona avait contesté ce principe, mais aujourd'hui il est d'accord avec ce principe de, sur le plan du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, même ceux qui contestaient tout cela, je parle de l'Iprona parce que c'est le parti que je connais, ils sont d'accord aujourd'hui avec ce principe de respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Alors, la démocratie, effectivement, est un idéal. Je suis d'accord avec ce concept. C'est un processus qui continue. Le Burundi n'a pas de tradition démocratique où on expérimente. Ce que moi, je veux, c'est qu'on en soit conscient. Il y en a qui disent « nous sommes en démocratie ». En pleine démocratie. Nous ne sommes pas en pleine démocratie. Nous sommes en train d'expérimenter la démocratie au Burundi. Nous ne sommes plus comme dans les dictatures militaires, comme on le dit. Nous ne sommes pas non plus à une démocratie derrière, à ce concept-là. Nous sommes dans une phase de transition. Et dans une phase de transition, en chimie, c'est très compliqué. Si tu ne fais pas attention, la transition peut te donner ce qu'on appelle un état de transition en chimie. Ça peut vous donner des mains. Ça veut dire on part des produits initiaux, les réactifs qu'on mélange pour atteindre de nouveaux produits. Mais on passe par un complexe dit de transition. Si vous manœuvrez mal, vous avez des monstres. Alors maintenant, nous sommes là. Et ce que je dis, moi, aujourd'hui, c'est vraiment d'être prudent pour qu'on ne retombe pas en arrière, pour qu'on avance. Mais tout au moins, en fait, vous avez ce droit d'exprimer votre opinion en tant que politicien. Difficilement. Lorsque les médias ont été détruits, lorsque les journaux ne fonctionnent pas comme il faut, lorsque la liberté d'expression n'est pas autorisée, quand vous exprimez librement, on dit que vous êtes en train d'injurier les institutions ou les responsables. Mais moi, je suis habitué à tout cela parce que j'ai travaillé avec aussi des pouvoirs putschistes. Il a dit, je le sais, les pouvoirs putschistes disaient aussi que c'était des pouvoirs, qu'ils étaient des pouvoirs démocratiques et qu'ils avaient des programmes. Ce discours, moi, je suis habitué. Ça ne me dérange pas. Je suis habitué. Alors, c'est pour dire, bon, mes chers amis, la démocratie, c'est en tout cas pour juste aujourd'hui, par rapport au modèle que nous avons connu dans l'histoire, l'esclavage, le féodalisme, le capitalisme, les impérialismes, la démocratie, c'est à moindre mal. On voit que c'est à moindre mal parce que là, on compétitionne et c'est basé sur une économie libérale aussi. Bon, je pense qu'il faut essayer d'accepter qu'il y a des problèmes et qu'on se mette ensemble parce que la démocratie, c'est exigeant. Il faut discuter, il faut dialoguer. Si vous vous enfermez, vous n'avancez pas. Vous retournez dans les pouvoirs, dans les dictatures militaires. Alors, ce que je conseille à nos collègues qui sont au pouvoir, c'est d'accepter le principe que nous sommes dans un processus démocratique. Les instruments sont là, c'est l'accord d'Arusha, c'est la constitution. Ces instruments ont certainement des lacunes, ont certainement des insuffisances. Mais il ne faut pas qu'un parti politique soit-il au pouvoir, s'arroge le droit aujourd'hui de les détruire. Comme c'est la TANA. Il faut qu'on en discute. S'il faut les amender, s'il faut les adapter, il faut qu'on le fasse à travers un dialogue franc. Pas dans un cadre de domination et de soumission. Pas du tout. Avec un débat contradictoire, les uns s'expriment, les autres s'expriment. Alors on trouve des compromis. On doit forcément trouver des compromis. Alors, ça, c'est ça que je voulais clarifier en fait. Sinon, je suis d'accord que les instruments sont là, mais comment les mettre en œuvre? Comment traduire les principes que contiennent ces instruments en objectif opérationnel sur terrain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les gens s'exprimer librement. en dehors de toute contrainte. Laisser les gens aller aux élections et élire, laisser le peuple aller aux élections librement, sans pression, parce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes de pression qu'on fait sur les citoyens pour venir voter. De toute contrainte. Ouais, ils ne votent pas, en fait, librement. Il y en a qui t'empêchent, c'est ça le problème. Ça s'est passé même l'année passée. On va y revenir. On sait ce qui se passe. J'avais parlé de l'insimulation de Mbonera Kure, mais pour éviter que tu ne partes pas à la fin du débat, je laisse tomber ça. Passons la parole. Je laisse tomber ça. Mais il y en a aussi certains membres du parti CNDP qui manipulent aussi les gens parce qu'ils ont, ils sont dans le besoin. Je ne veux pas dire qu'ils sont pauvres. Ils sont dans le besoin, qu'ils les manipulent avec un peu d'argent. Passons la parole. Moyens. Conseil d'Aïchimie, le porte-parole de l'UMOA. Les vivres pour eux. Je crois que c'est aussi. Aussi je posais la question pour savoir l'étape. Non. Ça, c'est contre la démocratie. La corruption, c'est contre la démocratie. C'est la corruption. Mais l'étape, vous posez la question de. L'étape de la démocratie. Prenons sur l'étape à laquelle la démocratie se trouve maintenant. Je vais d'abord corriger un peu ce que l'honorable Réonce a dit. Luprona a été le premier à contester les institutions démocratiquement élues en 1993. Oui. Je ne dis pas que c'est un mensonge, mais Luprona n'a jamais contesté les institutions démocratiquement élues en 1993. Vous vous souvenez de la passation du pouvoir entre le président Buyoya et le président Dadaye? Ça s'est fait dans la sérénité. Le président Buyoya a reconnu spontanément son échec et il a reconnu la victoire du président Dadaye. Il a passé spontanément le pouvoir au président démocratiquement élu. Luprona n'a jamais contesté le pouvoir de Ndadaye Melchior, n'a jamais contesté les institutions mises en place après les élections de 1993. À ma connaissance. Et si j'essaie d'évoluer, je suis content que tout le monde ici nous convenons que nous avons des textes clairs et de bons textes juridiques qui consacrent la constitution dans notre pays. La constitution, c'est une constitution qui pose de bons principes démocratiques. Et il y a la Cour d'Arusha. Il y a le code électoral. Ce sont des textes qui ne sont pas à 100% parfaits. Donc, ce sont des textes qui peuvent avoir des lacunes, que ce soit la Constitution, que ce soit le code électoral. Alors, si ici, il revient à nous, aux politiciens, aux dirigeants, de revoir s'il y a dans le code électoral des passages ou des passages qu'il faut revoir, ça n'empêche pas aux politiciens de s'asseoir ensemble et de revisiter le code électoral pour permettre des élections qui se passent dans la sérénité. Le problème qui se pose ici, c'est la mise en œuvre. Si on a de bons textes, ce qui reste, c'est la mise en œuvre des textes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui mettent en œuvre. Et les institutions. Et les institutions qui mettent en place, qui mettent en œuvre les textes. Ce qu'on peut demander ici, c'est les institutions, c'est vrai, sont elles qui mettent en œuvre les textes. Mais il y a aussi d'autres acteurs, notamment nous, les politiciens. Et aux d'autres acteurs comme la société civile. Il revient à nous alors de nous asseoir ensemble. Ce n'est pas le gouvernement qui va refuser de s'asseoir ensemble avec les partis politiques, les acteurs politiques. Et on va se mettre en place, revoir ce que peut-être les lacunes qui sont évoquées par les uns et les autres pour parfaire de plus en plus davantage notre démocratie. Mbaze kila murundi wese icho bita demokarasi megani ntwaro rusangi canke ntwaro yakajagari kombono mengo hari habata bitegera guterana amajambo mabi kuri mbonesha kure na maradio Begi choni chovita demokarasi oya oya tushaka gutambuka tukiri nzoya nitwisubire ko twiyu la démocratie. Twimura ikivunga ivy'abazungu vyose hama tukananirwa tucagura icatsi n'ururo. Hari abinyegeza inyuma y'izina demokarasi bagasongera iside aho gutorera umuti ngorane. Erega Barundi ko mbona twishwe n'ikigoyi ubw'iyo demokarasi ntituyinyegeza mu ngo dusumira inda gusa gusa dushaka gutambuka tukiri inzozi. Pour ceux qui pourraient nous avoir captés en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'état des lieux de la démocratie au Burundi en toutes ses facettes. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit de l'assistant du ministre burundais de l'Intérieur, Terence Nahira Aja, Léon Sengenakumana, qui est le vice-président du parti Sawanya Frodebu, ainsi que Poncien Ndayishimiye, qui est le porte-parole du parti Uprona. Et nous avons voulu être avec le secrétaire général du parti SNDD-FDD au pouvoir, qui a été malheureusement empêché de participer à cette émission. Il nous l'avait promis. Parlons encore de lacunes, de probables lacunes observées. Il y a Léon Sengenakumana qui a évoqué plusieurs points. Il y a Poncien Ndayishimiye de l'Uprona qui dit que la démocratie, c'est l'idéal, mais il y a toujours à faire, il y a toujours à entretenir. Au sein du ministère de l'Intérieur, vous avez en tout cas une grande responsabilité de mettre en application ces instruments dont a évoqué Léon Sengenakumana, par exemple. Évidemment. Et avant toute chose, je voudrais d'abord remercier mes collègues qui sont ici pour avoir reconnu que la démocratie est à l'idéal. En principe, on cherche vraiment à y arriver. Mais comme l'homme est toujours l'homme, vous savez, même quand depuis Dieu a créé l'homme, vous savez, de la propriété d'Éden, il a fait sortir l'homme parce qu'il n'a pas voulu respecter les instructions de Dieu. Puis après, les histoires ont continué, le déluge de Noé, beaucoup d'autres choses. Donc l'homme, c'est toujours l'homme. Donc c'est un idéal. Il y a toujours le diable qui essaie de perturber la belle créature qui est l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que quand même, je remercie Léon Sengenakumana, il a reconnu qu'il y a des estimats d'abord sur là. En l'occurrence, la Constitution de la République et l'accord d'Auchan, comme il vient de le déclarer, et que bien sûr, il ne manque pas quelques manquements peut-être qui sont dans le contenu, c'est normal. Parce que vous savez que ça a été signé, même dans la pression, c'était difficile. Léon, ce qui était là, a accepté que 50% ou 50% aussi, ce n'était pas aussi facile. Et l'autre a accepté aussi de céder aussi, ou cela, c'était difficile. Alors, actuellement, il peut arriver que certains éléments puissent nécessiter un changement. Et il a même proposé que c'est le dialogue de tout le monde pourrait, n'est-ce pas, M. Laurent Béléos, permettre à pouvoir retoucher ces éléments qui ne peuvent pas les faire jouer. Ici, alors, sur ce point, en tout cas, je voulais rappeler une chose. Nous avons déjà un dialogue interbondé qui doit se faire au Bundi à l'étranger. Moi, je demanderais à tout politicien vraiment de contribuer. Et dans la réunion des partis politiques qu'on a fait dernièrement, ils ont demandé à ce que, quoi qu'on n'a pas encore beaucoup d'autres, d'arriver à Arusha, qu'à ce dit, pour les approcher, pour qu'ils puissent donner les propositions, justement. Et les contributions à ces matières. Parce que vous savez, chaque fois quand il y a eu un dialogue, le dialogue n'a pas été abouti à quelque chose. Souvenez-vous, et quand on a fait le colloque qui a abouti à l'international, vous vous souvenez des négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha, et on avait les constitutions, et c'est toujours comme ça en fait. Mais je pense qu'avec ce dialogue, comme vous le dites, il est grand temps que tous les Burundais en général, et les politiciens en particulier, vous savez, parce que c'est eux qui font la compétition vers le pouvoir, puissent vraiment donner leur contribution nécessaire pour qu'à fait de compte, le retouche de l'une de ces instruments peut-être puisse se faire à la satisfaction de tout le monde, n'est-ce pas? C'est même mon souhait. Quant à ce qui concerne le gouvernement, la mise en application, nous sommes là toujours pour défendre la loi, pour que la loi soit respectée, mais comme vous le savez, il y a toujours certaines personnes qui n'ont pas entendu compris la démocratie et qui pensent que la démocratie, c'est la démagogie, que la liberté, c'est le libertinage, c'est pas comme ça. Que quand il y a démocratie, il n'y a plus de respect du prochain. C'est pas comme ça la démocratie. Mais il y en a qui pensent que c'est comme ça. C'est ça le problème, en fait. Alors, je pense qu'on essaie de donner des conseils, de rappeler tout le monde, de respecter la loi. Et il y a Léon qui se lamente comme quoi, vraiment, il n'a pas le temps d'aller voir ses membres de son parti. Léon, Moi, je voudrais tranquilliser vraiment. Chaque parti qui veut tenir une réunion dans une commune, dans une province, il n'y a aucun problème. Il y a des responsables administratifs qui disent de temps en temps que tel groupe ou tel autre a organisé une réunion non autorisée. J'ai demandé à l'EOS de nous faire au moins une autre toilette où il y a un problème. Je pense qu'il n'en a pas même maintenant. Là, vraiment, je ne voulais pas polémiquer là-dessus. C'est peut-être le langage du politicien. Qui est comme ça, mais en tout cas, la réalité, c'est pas ça. Seulement pour terminer, pour ne pas me reposer bien sûr la parole, je voudrais parler à Mossili. Il est toujours venu sur les médias détruits. Il faut faire un regard rétrospectif et penser qu'est-ce qui s'est passé pour que ces médias aient des problèmes. J'ai dit que quand on parle de la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de perturber le pays, c'est un exemple. Si un politicien vient dans le studio d'une radio et il déclare « moi je suis le chef de l'État », alors que c'est faux et à l'échiffre, est-ce que s'il y a affrontement entre l'armée royale et les insurgés, c'est que le sujet du médium est devenu le champ de quoi ? De bataille. Ah, quand il y a un combat entre deux torrents, il y a l'herbe qui est là qui a des problèmes. Le contexte était celui-là. Je n'étais pas à Bujumbura, j'étais chez nous, à l'intérieur du pays. C'était la campagne électorale, j'étais avec la population. Mais j'ai essayé de suivre de près ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui a détruit les médias. On ne pouvait pas polémiquer là-dessus, tout le monde sait ce qui s'est passé. Je pense que là, c'est justement le groupe déjà qui nous a donné la démocratie qui a causé tout cela. Et que cela ne se fasse plus vraiment, plus jamais ça dans notre pays, puisque la démocratie est incontournable. Est-ce que vous avez à ajouter votre réaction, M. Léon Sengena? Tout à fait. Je pense que pour bien mener ce débat, il faut qu'on se fixe sur les principes et les valeurs démocratiques, qu'on fasse état des lieux, mais qu'on fasse plutôt la projection pour l'avenir. Ah, okay. Bon, c'est une idée. Sinon, si on commence à discuter sur les faits, bon, je suis d'accord. Les faits qui sont là, ce qui s'est passé, bon. En fait, là-bas, c'était donc, juste là, un petit mot sur la. Ça risque de nous amener, de nous conduire vers un débat qui ne va pas beaucoup profiter à la population. D'accord. À ceux qui nous écoutent, quoi. Effectivement. Alors, moi, je dis, nous sommes d'accord que le Burundi est sur la voie de la démocratie. Parce que les signes sont là, que nous sommes déjà là. Il y a les piliers. Vous avez grandement évoqué les principes liés à la liberté, aux libertés. Oui, oui, oui. Il y a les piliers de la paix. C'est l'accord d'Arusha et la constitution. Il y a les piliers de la démocratie. Ce sont les partis politiques, c'est la société civile, ce sont les médias. Et il faut que ça fonctionne pour répondre aux attentes, tout cela pour répondre aux attentes du peuple burundais et ne pas à répondre uniquement aux attentes de nous, les hommes politiques, ou ceux qui sont au sommet des institutions. Parce que la situation actuelle, que c'est ce qui profite de ce vocable démocratie, ce sont ceux-là qui se font élire et qui accèdent au bien de l'État. Ce sont les partis politiques et les hommes que les partis politiques mettent en avant. Alors maintenant, quels sont les obstacles ? Lorsque nous avons mené un débat, que ce soit dans le cadre de l'élaboration de la charte d'unité nationale à l'époque de l'Iprona, que ce soit à l'époque où on a négocié l'accord d'Arusha, on est toujours revenu sur le fait que en démocratie, il faut éviter d'utiliser la force. Il faut éviter de manipuler, d'instrumentaliser l'armée, la police et le service national de renseignement. Vous craignez l'utilisation de la force ? Mais on est déjà dedans. Deux, qu'il ne faut pas instrumentaliser ou manipuler la justice. Qu'il faut laisser la justice indépendante, c'est discutable. Je sais même qu'à l'époque du Frodebou, cette question a été évoquée, on en a discuté, on n'a pas trouvé de compromis. On dit qu'on ne peut pas donner toute la latitude à la justice, qu'on ne contrôle pas. Une indépendance totale. Mais il faut aller évoluer vers là. Il ne faut pas, on avait dit, il ne faut pas manipuler et instrumentaliser la jeunesse. Les jeunes, il faut plutôt les préparer pour l'avenir. Il faut les laisser étudier. Il faut ceux qui ne parviennent pas à poursuivre les études, il faut les orienter dans les projets de développement. Mais aujourd'hui, on voit que les jeunes sont instrumentalisés. On leur donne des armes, on leur donne des boissons. Parfois même, on dit qu'on leur donne des... Comment est-ce qu'on appelle ça, ces histoires-là ? Il y aura beaucoup. Les drogues. Les drogues. Les drogues. Il y en a qui disent ça. Ça, c'est détruire toute une nation. Qui donne ça à la jeunesse ? Bon. On s'acquise mutuellement. Il y en a ceux qui acquisent le pouvoir, il y en a ceux qui acquisent l'opposition. C'est discutable toujours. Mais l'important, c'est qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute sincèrement et franchement de ça. Et qu'il n'y ait pas de faux fuyants. Alors maintenant, au niveau de l'armée, de la police, des services nationaux de renseignement, on voit qu'il y a de la manipulation. Ces corps, on s'était convenu dans l'accord d'Arusha que ces corps ne doivent être plus au service d'un parti politique. au service d'une ethnie ou au service d'une région. C'est ça qu'on a refusé à l'époque du parti Iprona, même si le représentant de Iprona le dit autrement, mais c'était comme ça. D'ailleurs, il y en a qui qualifiaient cela d'une armée mono-ethnique. Vous voulez dire que vous voulez qu'ils le disent comme vous le dites, vous? Non, ils ont évolué en démocratie. Non, je dis ce qui a été, il ne faut pas que ça se répète. On dit que ça se répète, il ne faut pas que ça se répète. Alors, maintenant, nous avons des problèmes sur cette question de pédosécurité pour tous. Nous avons des problèmes sur les aspects de droit, du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Nous avons des problèmes au niveau de la justice. Nous avons des problèmes au niveau de l'unité de la cohésion des Burundais. Nous avons même des problèmes au niveau du partage de la richesse de l'État. Le partage, ce n'est pas entre les individus, en fait. Le partage de la richesse de l'État, l'équité, ça veut dire un développement intégré. Le développement n'est pas encore intégré. Maintenant, il n'y a même pas de développement à Réma parler. Il y a des gens qui se développent, effectivement, quelques individus qui sont à la tête de l'État. On voit qui s'enrichissent à moins d'une année, de deux ans, qui sont devenus plus puissants que ces agriculteurs, que ces fonctionnaires qui passent toute leur vie à travailler, mais sans pouvoir faire des progrès. Ce développement doit être décentralisé. Il faut vraiment une politique de la décentralisation, non pas uniquement au niveau politique, à dire les gens ont élu, il faut aussi la décentralisation des moyens matériels, des moyens financiers. Mais chaque, pour un développement chaque Burundais, ça veut dire, au niveau de chaque commune, les fonds de l'État pour le développement doivent être affectés réellement au niveau de la commune, pas comme on le fait aujourd'hui à travers un fonds de développement communal, phonique. Non, là, on donne cet argent aux dirigeants. Hein. Aux autorités, tout simplement. Ça doit être là, à la commune, mais ce projet. Donc, il faut d'abord qu'on se convienne que la situation se présente comme telle. C'est ce qu'ils ont appelé quelques handicaps ou quelques problèmes au niveau de la démocratisation. Et qu'on s'achemine alors de comment régler ça. Ça veut dire accepter de. Bon, il parle de dialogue. Moi, je parle de négociation. Disons dialogue. Le dialogue doit être opéré aujourd'hui en deux phases, si on considère les problèmes que nous avons. Je ne suis pas contre le dialogue inter-Burundi à l'intérieur du pays, mais ce que je refuse, c'est qu'on le manipule pour tromper l'opinion des Burundais. Je le vois. Je viens de lire ce que vous avez signé comme déclaration. Je ne sais pas si c'est une déclaration d'engagement. Il y a quelque chose. Ce sont les partis politiques qui ont signé et non pas moi. Mais je pense que quand même. Contenu, c'est manipulé. Bon. Vous voyez, parce que les gens commencent à se mettre ensemble pour construire le pays, ils trouvent que c'est manipulé. Ils voudraient trouver qu'il y ait des chicaneries, des mésententes. C'est partiel. Il faut faire partiel. Alors, si on s'entend, le dialogue doit être mené en deux phases. La première phase, pour quand même mettre un terme à ces tensions qu'on observe, à ces assassinats, à ces exécutions extrajudiciaires, à ces cas de torture, à ces exils. Il faut d'abord qu'on trouve un cadre dans ce dialogue pour d'abord mettre un terme à cela. Le dialogue va se clôturer bientôt. Quelles sont les questions qu'on a résolues? Uniquement les questions en rapport avec le mandat du président. Parlez du rapport que j'ai entendu. La question du retrait du droit des anciens chefs d'État à siéger au Sénat. Ce sont les faits de l'EMA parmi... Léon Sénédakoumana, essayez de résumer. Oui, pour un dialogue, mais en deux phases. La première phase, à l'extérieur du pays, sous la médiation, pour trouver des solutions aux questions ponctuelles qui sont posées. Et après, on va rapatrier le dialogue, on le poursuit à l'intérieur du pays. Il est permanent. Alors, le dialogue qu'ils sont en train d'envisager, je pense qu'il est circonscrit dans le temps. On parle de 6 mois, d'une année. Mais c'est quel type de dialogue? Ça veut dire un dialogue orienté vers un objectif qu'ils ont. Hein? Qui? Le pouvoir de Bujumbura. Ils veulent maintenant enterrer la Cour d'Arusha et la Constitution en disant qu'ils ont demandé ça. J'ai vu il y a des signes dans cette déclaration que vous avez signée hier. Et il y a des paragraphes. Moi, je n'ai pas signé les déclarations. Le ministère de l'Intérieur a signé de l'opprès. J'ai vu des signes quelque part. J'ai vu qu'ils consacrent sur des politiciens burundais. C'est ce qu'ils ont fêté dedans. L'Iprona est représenté par son président. Vous êtes fait piéger. Non, c'est pas fait piéger. Donc, je dis, le dialogue est permanent entre les institutions et les partis politiques, entre les institutions et la population, entre les institutions et les corps de l'État. Et c'est un dialogue qui doit être organisé par les institutions. Il ne faut pas, si on veut réformer une armée, par exemple, il ne faut pas dire qu'on va toujours demander à la Commission. Essayez de vous résumer en proposant des voies de solution. Il faut que, je le disais tantôt, il faut que les Burundais. La voie est unique. Jouissent réellement de la démocratie. On doit se mettre autour d'une table pour d'abord réhabiliter la Cour d'appel et la Constitution. Deux, pour résoudre la question des violences qu'on observe dans le pays. Parce que comment est-ce qu'on va bâtir un état de droit, un état démocratique dans une société où il y a, ce que je disais, des exécutions extrajudiciaires, des cas de torture, des réfugiés, des mouvements forcés de la population. Il y a plus de 300 000 réfugiés à l'extérieur du pays. Comment est-ce qu'on va bâtir cette démocratie? Mais aussi de réhabiliter les corps de défense et de sécurité qui sont détruits aujourd'hui sur le fond politique et ethnique, on le voit. De réhabiliter les médias, de normaliser les relations entre le Burundi et la communauté internationale. On voit qu'il y a une crise. Alors comme ça, ces questions peuvent être résolues sous la médiation. C'est ce que j'appelle la première phase. Ça peut prendre un mois si les gens sont dans une voie. Par exemple, pour l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, on n'a pas besoin de la médiation. Pour les médias, on n'a pas besoin de la médiation. Pour la société civile, on n'a pas besoin de la médiation. Ce sont des décisions politiques que vous pouvez prendre. Et ça peut fonctionner tout de suite. Hein? Je sais ce qu'il vise. Il y a peut-être certains de vos amis qui sont. Il faut faire le tour de table. Et monsieur Poncien Ndayishimiye, le porte-parole de l'UPRONA, qu'est-ce que vous proposez pour que les Burundais jouissent effectivement de la démocratie? La solution est unique. La solution, c'est le dialogue. L'UPRONA met toujours en avant le dialogue entre les Burundais eux-mêmes. Là, parce que la solution, là vous rejoignez Léon Sengen Dakoumar. Effectivement. L'UPRONA, c'est le dialogue entre les Burundais. Parce que la solution sera trouvée par les Burundais eux-mêmes. Nous nous soutenons, si vous voulez, un dialogue interne. Et l'aspect externe aussi, nous le soutenons. Pourvu que les deux puissent être complémentaires et trouver une solution aux problèmes que nous connaissons. Alors nous disons, il faut nous asseoir ensemble sur une table, tous les acteurs, passer en revue tous les problèmes que nous avons. Il y a problème des réfugiés, il y a problème économique, il y a problème social, il y a problème diplomatique, les relations entre le Burundi et les autres pays, et débattre sur ces questions et trouver une solution, le retour des réfugiés. Donc pour nous, la solution est unique, c'est le dialogue entre les Burundais. Est-ce que vous diriez le contraire, monsieur l'assistant du ministre? Je vais répondre, effectivement. Au nom du gouvernement. Avant, juste au nom du gouvernement d'Odile, j'aimerais tranquilliser Léonce que le SNL n'est pas manipulé, la jeunesse n'est pas manipulée. Mais elle a été manipulée pendant la période électorale. Et vous l'avez réalisé. Et le résultat était très négatif. Il y a eu même des morts, des blessés, vous savez. Et c'est une très mauvaise chose. Et les politiciens blondés devraient ne pas continuer vraiment à. Tout politicien, qu'il soit dans le parti de l'opposition ou du pouvoir, qui aurait manipulé un jeune, il aurait commis un péché contre Dieu. En tout cas. Et puis, honorable Océane, qui n'a pas de développement, le développement caméliana, je pense il que. Il a parlé du développement intégré. Intégré. Il a parlé de l'équité au niveau de je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Des régions. Et là, alors, les régions, c'est vrai, c'est un problème qui date de longtemps, vous savez. Même quand Léo était le président, il aimait beaucoup peut-être sa province ou l'autre. Mais je crois que le gouvernement essaie de faire, mais parfois il peut arriver qu'un exécutif puisse y avoir, ça n'est pas de l'objectif. Si le gouvernement dit que Gitega peut devenir la capitale économique, par exemple, il est normal qu'il puisse y avoir beaucoup de projets, puisque d'autres provinces qui se mettent là-bas, c'est la préparation, par exemple. Bon, il a parlé de transfert de moyens matériels financiers aux communes. Il y a déjà une loi intitulé transfert des compétences de l'État à la commune, effectivement. Ça ne date pas de longtemps. Effectivement, tout ce que vous avez dit, ça contient dans cette loi. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que le gouvernement a déjà voté 500 millions. À travers la FONIC, auparavant, c'était 50 millions. 500 millions par commune. Et justement, pour éviter qu'il y ait une manipulation, le gouvernement n'a pas voulu transférer directement les 500 millions comme argent liquide à la commune. Vous savez qu'il peut y avoir des problèmes. Vous planifiez les projets, infrastructures communautaires, les rues, les caniveaux dans les centres, villes et autres, et vous faisiez l'affaire d'offres. Mais là, ça s'exécute et ça va, c'est très bien. Et alors, via le FONIC, effectivement, celui qui va gagner le marché, conformément donc à la loi, il exécute le projet à la commune et il est payé. En fait, c'est comme ça. Mais chaque commune a son enveloppe. C'est une avancée qui, aujourd'hui, est en train de se faire et qui est vraiment le fruit de l'époque. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'on est en train de construire les écoles pour les centres de métier. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas où aller. Alors, ici, je voudrais remercier vivement l'honorable Léos pour la conclusion. Effectivement, le gouvernement n'a jamais nié le dialogue à intérêt burundais, à intérêt du pays, et le dialogue intérêt burundais à l'extérieur. Je pense que celui de l'extérieur a eu peut-être des problèmes, je ne sais pas si c'est de moyen. Ça fait déjà deux fois seulement que, je ne sais pas si l'honorable Léos a été là, mais en tout cas, le gouvernement n'a jamais nié cela. Et justement, ce que nous disons, le langage, nous, au nom du gouvernement, nous voudrions que justement le dialogue avec la façade de son face, parce que là, ce sont les politiciens surtout qui sont là, il y a la population qui a de proposer ses souhaits, il faudrait le rapatrier alors et fusionner pour qu'en fait, de compte, effectivement, on puisse retoucher les textes fondamentaux. Si besoin, il y a conformément justement au résultat de ce dialogue qui se fait en double phase, comme vous l'avez dit. Ça, c'est très important. Et le rapatrier ici, c'est ça en fait l'objectif. Alors ici, il faut que les politiciens, en général, et en particulier Léon Senghenakoumana, il faut qu'il fasse un effort. Pas en particulier. En particulier, les autres qui ne peuvent pas. Il vient de critiquer le document qui a été signé par les politiciens. Les responsables. Hier, les responsables. En tout cas, vraiment, si vous voyez le contenu, nous devons qu'il y ait une étape, en tout cas. Les gens commencent à se mettre ensemble et veulent construire le pays. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont dit au dialogue entre les Burundais, ils ont demandé le rapatriement du dialogue. Il y a un élément, vous allez voir, le dialogue entre les mettre ensemble. Ils ont même réclamé que si la facilité est incapable, il faut qu'ils viennent travailler à ce dialogue avec ce DI et rencontrer même les politiciens. Il y a même le procès verbal qui accompagne les éléments de la résolution que vous avez vu en fait. C'est dans ce sens qu'ils ont élaboré cela. Même si vous avez dit que vous n'aviez pas signé cela, en tout cas, peut-être vous aviez d'autres idées contraires à ça, mais ce que vous avez parlé du dialogue et du rapatriement, ça contient dans le document là-bas. Voilà, en fait, moi aussi, pour conclure, ce n'est que le dialogue. Et le dialogue qui peut se faire et peut aboutir à quelque chose, mais il existe d'autres dialogues permanents qui peuvent continuer, n'est-ce pas? Je pense que ici, alors, je voudrais aussi au respect de la loi. Il faut vraiment que la société civile et les partis politiques, chacun à ce qui le concerne, essaient de se conformer à la loi qui existe en faisant les activités. Du reste, et vous promettez donc, au nom du ministère que vous représentez et du gouvernement de façon générale, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça avance et ça se réalise même. Quand on s'est rencontré avec l'honorable Léos ici à Mosaïque, en tout cas, l'état de la situation, il y a une amélioration. Il n'est personne de mauvaise, pas pour les maudits, le contraire, peut-être sinon. Nous continuons, en tout cas, nous avons un vers une très bonne période. Merci beaucoup, monsieur Terence et Nahila Aja. Je rappelle que vous êtes l'assistant du ministre burundais de l'Intérieur et de la formation patriotique. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Merci, chers amis, avec qui nous sommes ensemble. Merci, chers auditeurs qui nous ont écoutés. Même à la prochaine, nous allons répondre à votre rendez-vous. Merci également, Ponsien Ndayishimiye. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti UPRONA. Merci d'avoir participé à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup pour l'invitation et nous répondrons toujours présents à votre invitation. Nous disons aussi merci à l'honorable Léon Senghenakoumana, le vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Merci d'avoir participé. Merci de votre contribution. Et merci aussi tout à remercier à mes collègues puisque nous venons de constater que la démocratie il refuse le terme qu'il est en bas, mais qu'il a des problèmes et que la meilleure voie de résoudre tous ces problèmes, c'est d'organiser un dialogue en deux phases, externe et interne. Et comme ça, tous les Burundais doivent participer à ce dialogue. Merci. Je tiens à préciser ici que le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, qui nous avait promis de participer à cette émission, a eu un empêchement de dernière minute. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en train de parler de l'état des lieux de la démocratie qui est déjà vieille de 23 années, mais on a dit que c'est beaucoup plus au Burundi. La mise en onde était assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi, Evariste Nzikobanyanga. À la réalisation et au micro, vous étiez avec Léonce Bitariho. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.